vie de saint Augustin, par Possidius, évêque de quelle âme, son disciple, édition Louis Vivès, Paris 1872. Chapitre 11. Progrès que fait l'Église par le moyen d'Augustin, monastère fondé par ses disciples. La doctrine divine faisant des progrès, on prit d'abord parmi ceux qui servaient Dieu avec saint Augustin, et sous sa conduite, dans le monastère qu'il avait fondé, des clercs pour l'Église d'Hippone, puis, la vérité prêchée par l'Église catholique, étant de plus en plus connue, et répandant tous les jours un plus grand éclat, ainsi que le genre de vie, la continence, et la pauvreté profonde observée par les serviteurs de Dieu, dans le monastère établi par le saint homme, et prospérant sous sa conduite, c'est parmi ses disciples qu'on vint chercher avec empressement pour le bien de l'unité, et de la paix de l'Église, des sujets dont on faisait des prêtres ou évêques. J'en connais près de 10, des hommes saints, et vénérables aussi remarquables par la pureté de leurs mœurs que par l'étendue de leur science, que le bienheureux Augustin accorda des églises dont quelques-unes étaient très considérables, qui les lui demandaient. Les évêques, sortis de cette pépinière de saints, multiplièrent les églises du Seigneur, et fondèrent à leur tour d'autres monastères qui donnèrent également à d'autres églises, plusieurs de leurs membres, pour être élevés à la prêtrise. À mesure que le zèle pour l'édification de la parole de Dieu redoublait. C'est ainsi que la doctrine salutaire de la foi, de l'espérance, et de la charité de l'Église catholique se répandit par plusieurs, et dans plusieurs, non seulement dans toutes les parties de l'Afrique, mais encore au-delà des mers. Ce seul homme, par les ouvrages qu'il publiait, et que l'on traduisait même en grec, put ainsi, avec l'aide de Dieu, propager partout les vérités du salut. Aussi, le pécheur, comme il est écrit, en voyant cela, était irrité, grinçait des dents, et frémissait de rage. Psaume 111, 10. Quant aux serviteurs de Dieu, ils étaient pacifiques avec les ennemis de la paix qui, dès qu'ils parlaient, s'élevaient contre eux sans sujet. Psaume 119, 7. Chapitre 12. Saint Augustin, par l'erreur d'un guide, évite les embûches qu'on lui tendait, amendes pécuniaires infligées aux hérétiques. Quelquefois les circoncellions s'embusquèrent en armes pour attaquer le serviteur de Dieu, Augustin, dans les chemins où il devait passer pour aller visiter, instruire, et exhorter, sur leur demande, les populations catholiques, ce qu'il faisait très fréquemment. Ils étaient quelquefois des centaines, et il leur échappa. Une fois, par la providence de Dieu, et l'erreur d'un guide, Augustin, et ses compagnons se rendirent à leur destination par un autre chemin, et cette erreur, comme ils le surent depuis, les fit échapper aux mains de leurs persécuteurs, mais tandis qu'ils rendaient grâce à Dieu, qui se montrait en tout son libérateur, ces impies, selon leur coutume n'épargnèrent ni les ecclésiastiques, ni les laïcs, comme l'attestent les actes publics. Il ne faut point passer ici sous silence ce que le zèle de cet homme, si grand dans l'Église, et si jaloux de l'accroissement de la maison du Seigneur, fit, et accomplit pour la gloire de Dieu, contre les donatistes rebaptisants. Un des évêques que saint Augustin avait tiré de son monastère, et de son clergé pour le donner à l'Église, visitait le diocèse de l'Église de quelle âme, confié à ses soins, pour annoncer, dans l'intérêt de la paix de l'Église, ce qu'il avait appris, et combattre l'hérésie. Au milieu du chemin, il tomba dans les embûches des donatistes qui fondirent sur lui, et sur ses compagnons, leur enlevèrent leurs bêtes de somme, et leurs bagages, et les accablèrent d'injures, et de mauvais traitements. Ne voulant point voir s'arrêter les progrès que faisait la paix de l'Église, Augustin, qui avait pris la défense de cette dernière en main, ne déroba point par le silence cet attentat aux lois. Aussi Crispin, évêque des donatistes du pays, et de la ville de Calame, homme célèbre depuis longtemps, et qui passait pour savant, fut-il condamné à payer la forte amende édictée par les lois de l'Empire contre les hérétiques? Comme il se refusait de se soumettre aux lois, il comparut devant le proconsul, et nia qu'il fût hérétique. Alors le défenseur de l'Église s'étant retiré, il fallut que l'évêque catholique réfutât Crispin, et le convainquit d'hérésie malgré ses dénégations, car s'il eût gardé le silence en cette circonstance, il aurait pu se faire que l'évêque hérétique passât pour catholique aux yeux des ignorants, ce qui aurait été un scandale pour les faibles. Aussi l'illustre évêque Augustin pressa-t-il l'affaire de tout son pouvoir, et les deux évêques de Calame en vinrent à une conférence. La discussion s'engagea par trois fois, entre eux, sur la différence de leur communion. Une foule de chrétiens, tant à Carthage que dans toute l'Afrique, attendait l'issue de cette affaire que le proconsul termina en déclarant Crispin hérétique, par une sentence qu'il donna par écrit. Alors l'évêque catholique intercéda pour lui, auprès du juge chargé de cette affaire, pour que l'amende ne lui fût point réclamée, ce qu'il obtint. Mais bien loin de lui savoir gré de ce bienfait, l'ingrat en appela au très pieux prince, qui répondit à cet appel en disant que les hérétiques donatistes ne devaient être l'objet d'aucune exception, et qu'il fallait les traiter en tout lieu selon la rigueur des lois portées contre les hérétiques. En conséquence, Crispin, et le juge avec les officiers de justice, pour n'avoir point agi conformément à la loi, furent condamnés à payer, au fisc, 10 livres d'or. Mais les évêques catholiques, et surtout Augustin de sainte mémoire, usèrent de tout leur pouvoir pour que le prince, dans son indulgence, remît aux coupables l'amende à laquelle ils avaient été condamnés, et avec l'aide de Dieu, ils obtinrent ce qu'ils demandaient. Voilà comment leurs soins, et leur saint zèle contribuaient beaucoup à l'accroissement de l'Église. Chapitre 13. La paix rendue à l'Église par le moyen d'Augustin. Pour tout ce qui a été fait afin de donner la paix à l'Église, le Seigneur donnant en ce monde la palme à Augustin, et lui réserva dans l'autre la couronne de justice. On voyait tous les jours, avec l'aide du Christ, l'unité de la paix, et la fraternité de l'Église de Dieu s'augmenter, et se multiplier de plus en plus. C'est ce qu'on vit surtout après la conférence qui eut lieu à Carthage, entre tous les évêques catholiques, et les évêques donatistes, par l'ordre du très glorieux et très religieux empereur Honorius, qui envoya de sa cour, en Afrique, pour juger cette cause, le tribun et notaire Marcellin. Dans cette conférence, les donatistes, réfutés sur tous les points, et convaincus d'erreur par les catholiques, se virent frappés par la sentence du juge chargé de cette affaire. En ayant appelé, un rescrit du très pieux empereur les condamna très justement comme hérétiques. À la suite de cette condamnation, les évêques donatistes rentrèrent avec leur clergé et leur peuple dans la communion de l'Église, et en embrassant la paix catholique, se virent exposés à des persécutions sans nombre, à la mutilation, et même à la mort. Or, comme je l'ai déjà dit, c'est au zèle de ce saint homme aidé du concours et des efforts de nos autres évêques que tout ce bien put s'entreprendre et s'accomplir. Chapitre 14. L'évêque donatiste émérite est confondu. Après la conférence qui avait eu lien avec les évêques donatistes, ces derniers ne manquèrent pas de dire qu'ils n'avaient pu exposer auprès du juge chargé de connaître de cette affaire tous leurs moyens de défense, parce que ce juge qui appartenant à la communion catholique favorisait son Église. Or, ce n'est que vaincu et réduit à l'extrémité qu'ils avaient trouvé ce prétexte pour excuse, puisqu'avant les débats, ces hérétiques savaient bien que le juge appartenait à la communion catholique, et avaient promis, lorsqu'il les avait invités par les actes publics, de se rendre à cette conférence. S'ils l'avaient tenu pour suspect, ils auraient dû refuser de se rendre à la conférence. Cependant, il arriva par la grâce de Dieu Tout-Puissant qu'Augustin, de vénérable mémoire, dut se rendre à Césarée de Mauritanie où il avait été appelé par des lettres du Saint-Siège apostolique, avec plusieurs autres évêques pour y régler certaines affaires urgentes de l'Église. Il eut alors l'occasion de voir Émérite, évêque donatiste de cette ville, qui, dans la conférence de Carthage, avait été le principal défenseur de sa secte. Il le provoqua à une dispute publique dans son église, en présence d'un grand nombre de témoins de communions différentes, et l'engagea à présenter les moyens de défense que, disait-il, il n'avait pas eu la permission d'exposer dans la conférence de Carthage. Il pouvait le faire en toute sécurité, n'en étant empêché par aucune autorité, ni par aucun pouvoir, et dans sa propre ville, en présence de tous ses concitoyens, il ne devait point refuser de défendre en toute confiance la communion à laquelle il appartenait. Rien ne put le déterminer, ni ses exhortations, ni les vives instances de ses parents et de ses concitoyens, qui lui promettaient de revenir à sa communion, même au détriment de leurs biens et de leur salut temporel, s'il convainquait de fausseté la doctrine catholique. Il ne put et ne voulut rien dire de plus que ses paroles. Les actes de la conférence épiscopale de Carthage témoignent si nous avons été vainqueurs ou vaincus. Une autre fois, invité par le notaire à répondre, il garda le silence, manifestant ainsi ouvertement le peu de confiance qu'il avait en sa propre cause, ce qui contribua au progrès et à l'affermissement de l'Église de Dieu. Si on veut connaître à fond le zèle et l'ardeur d'Augustin de bienheureuse mémoire pour la prospérité de l'Église de Dieu, on pourra parcourir ses actes et on verra toute l'adresse et l'éloquence qu'il a déployée pour provoquer son illustre, son savant et éloquent adversaire. Comment il l'exhorta à dire tout ce qu'il voudrait pour la défense de sa secte. On reconnaîtra bientôt que le donatiste fut vaincu. Chapitre 15. Un négociant nommé Firmus est converti par une digression du Saint-Évêque dans un discours. Je me rappelle ainsi que plusieurs frères et serviteurs de Dieu, qui vivaient avec nous et avec le Saint-Homme, dans l'église d'Hippone, qu'un jour, étant tous réunis à table, il nous dit « Avez-vous remarqué que le commencement et la fin de mon discours, prononcé aujourd'hui dans l'Église, n'ont pas été comme à mon habitude ? et qu'au lieu de finir d'expliquer le sujet que je m'étais proposé, je l'ai laissé en suspens? En effet, répondîmes-nous, nous l'avons remarqué, et nous en avons été frappés sur le moment. Je crois, reprit-il, que le Seigneur qui dispose à son gré de nous, et de nos discours, aura voulu, par un oubli, et un écart de pensée de ma part, instruire, et guérir quelques pécheurs égarés qui se trouvaient dans le peuple, car j'ai passé brusquement à un autre sujet, et sans résoudre ou développer la question commencée, j'ai terminé mon discours en attaquant l'erreur des manichéens dont je n'avais pas l'intention de parler, au lieu de continuer le sujet que je m'étais proposé. Or, voilà que le lendemain, si je ne me trompe, ou 2 jours après, un négociant nommé Firmu, vint dans le monastère où nous étions avec saint Augustin, et se jetant à ses pieds, se mit à fondre en larmes en le conjurant de demander, avec ses 5 compagnons, au Seigneur, de lui pardonner ses péchés. Il confessa qu'il avait embrassé la secte des manichéens depuis plusieurs années, et qu'il leur avait donné inutilement pour eux ou pour ceux qu'ils appellent les élus, de grandes sommes d'argent, mais que, par la miséricorde de Dieu, le dernier sermon d'Augustin dans l'Église l'avait converti et rendu catholique. Alors le vénérable Augustin, et nous tous qui étions présents, nous lui demandâmes ce qui l'avait le plus frappé dans ce sermon. Il nous le dit. En nous rappelant alors la marche de ce discours, nous fûmes saisis d'étonnement et d'admiration en voyant la profondeur des desseins de Dieu pour le salut des âmes, et rendant gloire à son saint nom, nous le bénissons en le voyant opérer le salut de l'âme lorsqu'il le veut, par où il le veut, et comme il le veut, au su ou à l'insu de ceux dont il se sert pour cela. Cet homme embrassa ensuite le genre de vie des serviteurs de Dieu, renonça au commerce, et fit de grands progrès parmi les membres de l'Église. Dieu permit qu'on le demandât plus tard dans un autre pays, pour l'élever au sacerdoce qu'il fut contraint de recevoir. Il garda, et conserva toujours la sainteté de la profession monastique, peut-être vit-il encore maintenant dans les pays d'outre-mer. Chapitre 16. Exécrable turpitude des manichéens dévoilés. Conversion du manichéen Félix. De même à Carthage, le procurateur de la maison impériale nommé Ours, ayant fait découvrir une réunion des 2 sexes de cette sorte de manichéens qu'on appelle élus, on les arrêta, et il les conduisit à l'église où ils furent interrogés en présence du notaire, par des évêques, parmi lesquels se trouvait Augustin, de sainte mémoire, qui, connaissant mieux que les autres cette exécrable secte, dévoila les abominables blasphèmes contenus dans les livres reçus par les manichéens, et les amena à en faire l'aveu. Les femmes que l'on appelle élues lui dévoilèrent les impuretés et les turpitudes qu'ils avaient la perverse habitude de commettre entre eux. Cette déclaration fut consignée dans les actes ecclésiastiques. C'est ainsi que par la vigilance des pasteurs, le troupeau du Seigneur prit de l'accroissement, et se procura de puissants moyens de défense contre les larrons et les voleurs. Saint Augustin eut encore une conférence publique dans l'église d'Hippone devant le peuple, et en présence de notaires, avec un manichéen nommé Félix qui était aussi du nombre des élus. Après la 2e ou la 3e séance, ce manichéen reconnaissant vanité et l'erreur de sa secte, se convertit à notre foi et s'attacha à notre église. On peut s'en convaincre en relisant les actes où ces faits sont consignés. Chapitre 17. Le contarien Passantius est confondu en pleine conférence. Autre conférence avec l'évêque arien Maximin. Un arien nommé Passantius, comte du palais impérial, et exacteur du fisc qui, profitant de l'autorité que lui donnait sa charge pour attaquer sans cesse, et avec cruauté la foi catholique, et pour persécuter, et troubler un grand nombre de prêtres de Dieu qui vivaient dans la simplicité de la foi, provoqua saint Augustin à une conférence publique qui eut lieu à Carthage en présence de témoins d'un rang élevé et honorable. Mais il ne voulait consentir en aucune manière à ce que des notaires assistassent le stylet à la main à la conférence, ce que notre maître ne cessa de demander au contraire, avec instance, avant et pendant les débats, comme il persistait à n'en pas vouloir en alléguant qu'il craignait à cause des lois publiques de s'exposer aux dangers qui pourraient résulter pour lui d'actes écrits. L'évêque Augustin, en voyant que les autres évêques, ses collègues, qui l'assistaient dans cette affaire, consentaient à ce que la conférence eût lieu en particulier, et sans le concours d'aucun secrétaire pour en recueillir les termes par écrit, consentit à cette conférence, non pas toutefois sans prédire, qu'après la séance il serait libre à chacun, en l'absence de toute preuve écrite, de prétendre qu'il avait dit ce qu'il n'aurait pas dit, comme il arriva en effet. Il engagea donc la dispute, exposa les principes de sa foi, et entendit la profession que son adversaire fit de la sienne. Il prouva par la saine raison, et par l'autorité des saintes écritures, la solidité des fondements de la foi catholique, et démontra la vanité des principes de Passantius, principes dénués de toute vérité, et qui ne s'appuyaient pas sur l'autorité de l'Écriture sainte. Lorsqu'on se fut séparé, Passantius, plus furieux, et plus enflammé de colère que jamais, se mit à débiter une foule de mensonges en faveur de sa fausse doctrine, et à se proclamer vainqueur d'Augustin, dont la louange était sur toutes les lèvres. Comme ses propos n'étaient point secrets, Augustin se vit contraint d'écrire à Passantius, en omettant, à cause de la crainte qu'il avait manifestée, les noms de ceux qui avaient pris part à la conférence. Il lui rappela avec fidélité, dans cette lettre, tout ce qui s'était dit et fait dans cette entrevue, en lui disant que s'il le niait, il pourrait prouver la vérité de ce qu'il avançait par un grand nombre de témoins qu'il avait dans les hommes illustres et d'un rang élevé qui avaient assisté à la conférence. À deux lettres que lui écrivit Augustin, Passantius répondit à peine par une dans laquelle se trouvaient plutôt des injures à l'égard d'Augustin que des raisons en faveur de sa secte, comme on peut s'en convaincre si on a la volonté et la possibilité de lire cette réponse. À la demande, et sur le désir de plusieurs, et en présence de personnes honorables, Augustin eut une conférence à Hippone, avec un évêque de ces mêmes Ariens, nommé Maximin, venu en Afrique avec les Goths. On écrivit ce qui se dit de part et d'autre. Quiconque aura le goût, et prendra la peine de lire les actes de cette conférence avec attention, verra clairement à quel raisonnement captieux et peu raisonnable cette doctrine a recours pour séduire et tromper les âmes, ainsi que ce que l'Église catholique tient et enseigne sur la Trinité divine. L'évêque hérétique, de retour à Carthage, se vanta d'être sorti vainqueur de la conférence, grâce à la loquacité dont il avait fait preuve. Il mentait en parlant ainsi, mais comme les fidèles, peu versés dans la connaissance de la loi divine, ne pouvaient examiner, et juger cette affaire, le vénérable Augustin écrivit quelque temps après un résumé de toutes les objections et de toutes les réponses faites pendant la conférence, et fit voir dans quelle impuissance s'était trouvé son adversaire de répondre aux objections, et quelques suppléments que le manque de temps n'avait pas permis de donner ou d'écrire pendant la conférence. L'hérétique avait, par malice, prolongé tellement sa dernière réponse qu'elle avait occupé tout le reste du jour. Chapitre 18. Hérésie nouvelle des Pélagiens combattus et condamnés. Utilité des travaux d'Augustin pour l'Église catholique, les hérétiques et les païens sont réduits à rien. Nouveaux ouvrages d'Augustin. Il eut aussi à combattre les Pélagiens, nouveaux hérétiques de notre temps, gens habiles dans la discussion, et écrivains dangereux par leur art, et leur subtilité. Ils répandaient leur doctrine partout où ils le pouvaient en public, et en particulier. Il les combattit pendant près de 10 ans, pendant lesquels il composa, et publia de nombreux écrits, et prononça de fréquents discours contre cette erreur, dans l'Église, en présence du peuple. Comme ces hérétiques s'efforçaient, par leurs artifices, de persuader leur erreur au Saint-Siège apostolique, les saints évêques d'Afrique, réunis en concile, résolurent de montrer, avec le plus grand soin, au Saint-Pape de Rome, le vénérable Innocent, et ensuite à Saint Zosine, son successeur, combien cette secte devait être abhorrée et condamnée par la foi catholique. Ces pontifes du siège suprême les censurèrent à diverses reprises, et les retranchèrent des membres de l'Église, par des lettres adressées aux Églises d'Afrique en Occident, et à celles d'Orient. Ils ordonnèrent à tous les fidèles de les anathématiser, et de les fuir. Ayant appris le jugement que venait de porter sur eux l'Église catholique de Dieu, le très pieux empereur Honorius, pour s'y conformer, ordonna de les ranger parmi les hérétiques, condamnés par ses lois. Alors quelques-uns d'entre eux rentrèrent dans le sein de l'Église, notre mère, d'où ils étaient sortis, d'autres y reviennent encore tous les jours, à mesure que la vérité de la vraie foi se manifeste à eux, et l'emporte sur cette détestable erreur. Cet homme mémorable, le principal membre du corps du Seigneur, était toujours inquiet et vigilant pour le bien de l'Église universelle, et Dieu lui accorda de jouir, même en cette vie, du fruit de ses travaux, et de voir d'abord la paix et l'unité se rétablir dans l'Église et le pays d'Hippone qu'il avait principalement sous sa juridiction. Et ensuite dans les autres parties de l'Afrique, l'Église du Seigneur se répandre et s'accroître considérablement, soit par lui, même ou par ses collègues, soit par les prêtres qu'il avait procurés. Il eut aussi le bonheur de voir les manichéens, les donatistes, les pélagiens et les païens détruits en grande partie et réunis à l'Église. Il travaillait au progrès des bons, favorisait leurs tendances, et s'en réjouissait, supportant en homme pieux et saint les manquements de ses frères à la discipline. Il gémissait sur les iniquités des méchants qui étaient dans l'Église ou hors de son sein. Les gains du Seigneur, comme nous l'avons déjà dit, le rendaient heureux, et ses pertes l'affligeaient. Il composa et publia tant d'ouvrages, il soutint tant de controverses dans l'Église, qu'il recueillit et mit en ordre, il fit tant d'écrits contre les hérétiques, tant de commentaires des livres sacrés pour l'édification des saints enfants de l'Église, que le plus studieux des hommes pourrait à peine les lire, et les connaître tous. Cependant, pour ne faire aucun tort aux fidèles avides de la parole de la vérité, j'ai voulu, avec la grâce de Dieu, ajouter à la fin de cet opuscule une liste de tous ces livres, lettres, et traités afin qu'en lisant, ceux qui préfèrent la vérité divine aux richesses temporelles, puissent choisir ce qu'ils voudraient lire, et connaître, et le demander pour le copier, à la bibliothèque de l'église d'Hippone où ils trouveront peut-être des exemplaires les plus corrects, ou se les procurer, et les transcrire où ils le pourront afin de ne les point refuser eux, même à ceux qui les leur demanderont pour les copier. Chapitre 19. Conduite d'Augustin pour juger les différends, il enseigne quand l'occasion le permet, aux parties en lutte, ce qui a rapport à la vie éternelle, récompense de la manière dont il s'acquittait des fonctions de juge. L'apôtre avait dit, « Comment se trouve-t-il parmi vous quelqu'un qui, ayant un différend avec son frère, ose l'appeler en jugement devant les méchants, et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints doivent un jour juger le monde? Si donc vous devez juger le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous serons juges des anges même? Combien donc plus de ceux qui regardent la vie présente? Si donc vous avez des différends touchant les choses de cette vie, prenez pour juge les moindres personnes de l'Église. Je vous le dis pour vous en faire confusion, est-il possible qu'il ne se trouve point parmi vous un seul homme sage, qui puisse être juge entre ses frères? Mais on voit un frère plaider contre son frère, et encore devant des infidèles. 1 Corinthiens 6, 1 à 6. Aussi quand notre saint en était prié par des chrétiens ou par des hommes appartenant à une secte quelconque, il entendait l'affaire avec attention, et piété ayant devant les yeux les dires des deux parties, il disait qu'il aimait mieux être juge entre des inconnus qu'entre ses amis, attendu que lorsqu'il avait à juger des inconnus, il pouvait se faire un ami de celui en faveur de qui l'équité, et la justice l'obligeait de prononcer, au lieu que, jugeant entre ses amis, celui contre qui il décidait était perdu comme ami pour lui. Il prolongeait souvent cette occupation jusqu'à l'heure de son repas, et lorsqu'on jeûnait le jour entier, il passait tout son temps à entendre, et à décider ces sortes d'affaires. Tout en écoutant les plaideurs, il examinait l'état de leur âme, il remarquait le degré d'avancement ou d'éloignement de chacun dans la foi, et les bonnes mœurs, et lorsqu'il trouvait le moment favorable, il enseignait aux deux parties la vérité de la loi divine, il la leur inculquait, et les instruisait des moyens d'arriver à la vie éternelle. Pour prix de ces peines, il ne leur demandait que l'obéissance, et la soumission chrétienne due à Dieu, et aux hommes. Il reprenait publiquement les pécheurs afin que les autres eussent de la crainte. Timothée 4, 20. Et il agissait ainsi parce qu'il se regardait comme une sentinelle vigilante établie par le Seigneur, à la garde de la maison d'Israël. Il annonçait la parole, et pressait les hommes à temps, et à contre-temps, les reprenait, les suppliait, les menaçait sans se lasser jamais de les tolérer, et de les instruire. 2 Timothée 4, 2. Il appliquait surtout ses soins à instruire ceux qui étaient propres à instruire les autres. Ibidem. Sur la demande de plusieurs, il écrivit des lettres relatives à leurs affaires temporelles. Mais il regardait cette occupation comme une véritable corvée. Il n'était heureux que lorsqu'il parlait et s'entretenait des choses de Dieu dans l'intimité de la vie fraternelle. Chapitre 20. comment il intercédait en faveur des coupables. Nous savons aussi qu'il refusa à ses plus chers amis des lettres de recommandation auprès des puissants du siècle, en disant qu'il voulait suivre l'avis du sage qui n'accordait pas toujours à ses amis ce qu'il lui demandait, par égard pour sa propre renommée. Il ajoutait en outre que souvent le puissant qui oblige s'impose. Mais quand il se voyait obligé dans la nécessité d'intercéder pour quelqu'un, il le faisait avec tant de réserve et de modération que non seulement il ne paraissait pas onéreux et importun, mais qu'il excitait l'admiration. Ayant cru de son devoir d'intercéder à sa manière pour quelqu'un auprès du vicaire d'Afrique, nommé Macédonius, celui-ci lui accorda ce qu'il demandait, et lui écrivit en ces termes : « Mon très cher, et très vénérable Seigneur, et Père, je suis merveilleusement touché de la sagesse qui brille, et dans les livres que vous avez publiés, et dans la recommandation que vous avez pris la peine de m'adresser, à la demande qui vous en a été faite. Je vois dans les intents d'esprit de science et de sainteté qu'on ne peut rien désirer au-delà. Et dans l'autre temps de réserve que si je ne vous accordais pas ce que vous me demandez, je me trouverais plus criminel que le criminel même pour qui vous intercédez. Car vous n'êtes pas du nombre de ceux qui demandent et qui veulent, à quelque prix que ce soit, qu'on cède à leur sollicitation. Mais vous vous bornez à ce qu'il vous paraît qu'on peut demander à un juge chargé de tant de soins, et vous le demandez avec une réserve qui viendrait à bout des choses les plus difficiles, et qui produit le plus d'effet sur les honnêtes gens. J'ai donc fait sur le champ ce que vous avez désiré comme je vous l'avais déjà fait espérer. Macédonien, in épître, Augustin 154, Numéro 1. Mark Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.